Lettre 23e. Continuation de la lettre d'Evelina. Mardi 29 avril. Je me sens aujourd'hui un fond de mélancolie à laquelle je ne suis pas accoutumé. Le moment approche où nous allons quitter Londres, et déjà nous sommes occupés des préparatifs du voyage. Cette lettre terminera donc le récit de mes aventures de la capitale. Dès que vous aurez complété mon journal, je vous prie, mon cher monsieur, de me dire ce que vous en pensez. Ne m'épargnez pas vos remarques. Nous nous sommes rendus au Panthéon vers les 8 heures. J'étais frappé de la beauté du bâtiment, qui surpassait de beaucoup mon attente. Il ressemble plus à une chapelle qu'à un endroit destiné au plaisir. Charmé de la magnificence de la salle, je n'y retrouvais ni la gaieté ni la frivolité du Ranelagh. Je dirais plutôt qu'elle a quelque chose de solennel qui dispose au respect. Mais peut-être pourtant ne produit-elle cet effet que sur une novice comme moi. Notre partie était composée du capitaine, de madame et de Miss Mirban. Madame Duval passa la journée dans la cité et je n'en fus pas fâché. L'assemblée était nombreuse. La première personne que nous vîmes fut Sir Clement Willoughby. Il nous joignit avec sa familiarité ordinaire et il ne nous quitta plus de la soirée. Sa présence m'embarrassait. Je ne pouvais le regarder ni l'entendre parler sans me rappeler l'aventure du carrosse. Mais à ma grande surprise, il ne parut pas déconcerté du tout, quelque forte raison qu'il eût de rougir de sa conduite. Cette effronterie me fit regretter la facilité avec laquelle je lui avais pardonné. Un peu plus de rigueur aurait servi du moins à le rendre plus circonspect. On exécuta, au milieu d'un babil perpétuel, un très bon concert. J'ai trouvé en général peu de tranquillité dans ceux auxquels j'ai assisté. Tout le monde admire la musique et personne ne l'écoute. Nous ne vîmes Mylord Orville que dans la salle à thé, qui est dans un vaste souterrain. Il vint auprès de nous. Je crois qu'il était engagé dans une grande compagnie de dames. Je remarquai M. Lovell parmi les hommes qui en étaient. J'étais indécis s'il convenait de remercier Mylord Orville de la manière généreuse dont il m'avait délivré des persécutions de cet homme. Comme il avait informé Mme Mirvan de sa démarche, dans le dessein de me la confier, je craignis qu'il y eût de l'ingratitude à la passer sous silence. J'aurais pu cependant m'épargner la peine de cette incertitude, puisque je n'eus pas une seule fois l'occasion de parler sans être entendu de Sir Clément. Celui-ci se montra extrêmement officieux, et à chaque parole que je disais, il s'inclinait vers moi avec autant d'empressement que si je m'étais adressé à lui en particulier. Ce n'était pourtant pas mon intention, car loin d'entrer en conversation avec lui, je ne daignais pas le regarder. Madame Mirvan, sans être instruite de l'aventure de l'opéra, désapprouva d'ailleurs la trop grande assiduité de Sir Clément. Elle m'a fait observer qu'il est indécent qu'une jeune demoiselle paroisse si souvent en public avec le même cavalier, et je suis persuadé qu'elle en parlerait au capitaine si notre séjour à Londres était de quelque durée. C'est toujours M. Mirvan qui introduit Sir Clément dans nos parties. Ses airs de familiarité ne suffiraient pas pour l'y faire admettre. À la table de Mylord Orville se trouvait un gentilhomme, je l'appelle ainsi parce qu'il était en si bonne compagnie, qui, depuis le moment que j'eus pris place, me regarda fixement en face, sans détourner les yeux pendant tout le temps qu'on servit le thé. Il devait s'apercevoir aisément que j'étais choqué d'un procédé aussi peu mesuré, et en effet, j'étais surprise de ce qu'un homme de la société de Mylord Orville pût se permettre des libertés aussi insultantes. J'avais mauvaise opinion de son éducation et mes soupçons furent confirmés lorsque je lui entendis dire à l'oreille de Sir Clément, mais assez haut pour que je n'en perdisse rien, « Au nom du ciel, Willoughby, qui est cette charmante créature ?» Je fus curieuse de la réponse et je demeurai aux écoutes en tournant la tête d'un autre côté. Sir Clément m'étonna un peu en disant à l'inconnu, « Je ne vous dirai pas, Mylord, qui elle est, je l'ignore moi-même. » Un Mylord, quelle singularité qu'un homme de distinction, accoutumé, selon les apparences, depuis sa plus tendre jeunesse à fréquenter les premières sociétés du royaume, puisse manquer de bonnes manières. On trouverait moins extraordinaire qu'il fût sans mœurs et sans principes. Sir Clément lui-même semblait modeste en comparaison de ce personnage. Pendant le thé, la conversation roula sur le temps, les modes, les endroits publics, et les deux tables y prirent également part. Sir Clément y donna lieu, en demandant à Miss Mirvan et à moi si le Panthéon avait rempli notre attente. Nous lui répondîmes unanimement qu'il la surpassait de beaucoup. « Et supposez, dit le capitaine, qu'elles ne s'y plussent pas, croyez-vous qu'elles en conviendraient ? Il faut bien que ce qui est à la mode soit de bon goût, cela est tout clair, sans quoi je vais être berné, si elles n'avoueraient que c'est l'endroit le plus maussade qu'elles aient jamais vu. » « La beauté de ce bâtiment, reprit Mylord Orville, ne désarme-t-elle pas votre critique ? Vos yeux ne vous disent-ils rien en sa faveur ? Mes yeux ! S'écria le Lord, dont je ne connais pas le nom, et qui peut s'en servir pour contempler des murailles et des statues inanimées, tandis que les objets vivants que je vois devant moi excitent l'admiration la plus réfléchie ? Monsieur Orville, personne n'est assez insensé pour comparer les charmes puissants de la nature à la symétrie d'une architecture, quelque supérieure qu'en soit le dessin et les rapports. Mais quand on peut réunir, comme ici, sous un même coup d'œil, l'art dans tous ses chefs-d'œuvre, et la nature dans toutes ses perfections, je crois qu'on en est d'autant plus heureux. Sœur Clément. Sans doute, my lord, que l'œil tranquille d'un philosophe impartial peut embrasser l'un et l'autre avec autant d'attention que de sûreté. Mais lorsque le cœur n'est pas aussi bien sur ses gardes, il se mêle aisément de la partie, et dès lors, l'objet choisi est le seul auquel il s'arrête. Tout le reste lui paraît indifférent et insipide. My lord Orville. À Dieu ne plaise que je veuille disputer à la beauté son pouvoir magnétique. J'avoue volontiers que, quoique nous n'ayons plus de bâtiments publics pour y placer nos dieux comme autrefois, nous avons du moins conservé nos déesses, devant lesquelles nous fléchissons le genou de bien bon cœur. » Il prononça ces paroles d'un grand air de gaieté et il fit en même temps la révérence aux dames. Le capitaine. « Elles ne sont pas déesses pour rien, car elles nous font payer diablement cher le plaisir de les voir. » Au reste, je voudrais bien que vous me montrassiez ici un visage dont la simple vue valut une demi-guinée. » L'inconnu. Une demi-guinée ? Je donnerais la moitié de mon bien pour la vue d'une seule d'entre elles, à condition qu'il me fût permis de choisir. Peut-on mieux employer son argent qu'au service d'une belle femme ? Sœur Clément. Si vos dames, mon capitaine, vous passent ce propos, vous pouvez vous flatter de trouver grâce devant toutes les autres. Mylord Orville. Les dames de la société du capitaine lui pardonneront aisément. Il est impossible qu'elles se croient offensées. Le capitaine. Il faudrait qu'elles fussent furieusement entichées d'elles-mêmes si elles prenaient toutes vos douceurs pour de l'argent comptant. Mais après tout, je voudrais bien qu'un de vous autres connaisseurs me fît le plaisir de me dire quelle espèce d'amusement un endroit comme celui-ci peut donner à un homme qui depuis longtemps est là de courir après les beaux visages. Tout le monde se mit à rire, mais personne ne répondit. Le capitaine. « Eh bien, nous voilà tous ébobis, et personne de vous ne peut me résoudre cette question. Je soutiens donc que vous ne venez ici que pour faire parade de vos minois. Encore une bonne moitié est-elle honnêtement laide, et l'autre, Dieu me pardonne, semble à peine tenir de l'espèce humaine. » Monsieur Lovell. « Il ne nous convient pas, monsieur, de décider ce qui peut amener ici les dames, mais, quant à nous, je crois que nous n'y venons que dans le dessein de les admirer. » Le capitaine. « Si je ne me trompe, vous êtes le même que je vis l'autre soir à la comédie, n'est-ce pas ?» Monsieur Lovell fit une inclination. Le capitaine. « Ah, ça, messieurs, il faut que je vous conte un trait impayable. » À la fin du spectacle, ce galant homme nous demanda « Quelle était la pièce que l'on venait de jouer ? Que je meurs si je vous mens ?» Monsieur Lovell. « Si vous étiez fait comme moi au ton de la capitale, ce qui, je présume, n'est pas trop votre cas, cela ne vous paraîtrait pas si extraordinaire ? » Le capitaine. « Comment pas extraordinaire ? Si cela arrivait tous les jours, je conseillerais par la semble d'envoyer ces gaillards à l'école s'amuser avec des contes de ma mère loi, plutôt que de mettre le nez au spectacle. Vive, morbleu, la comédie ! Ce n'est que là qu'on trouve encore un grain de bon sens, car pour les autres endroits publics, je n'en donnerais pas un zeste. Par exemple, vos opéras. Je voudrais bien savoir ce qu'il peut y avoir de joli. » Mylord Orville était très en état de répondre, mais il crut qu'il ne valait pas la peine d'entrer en contestation avec le capitaine sur un sujet auquel il n'entendait rien, et qu'il sentait tout aussi peu. Il se tourna donc vers nous et dit « Ces dames sont si tranquilles, et nous nous emparons seuls de la conversation sans considérer que nous nous faisons le plus grand tort. « Je serais bien charmé, » ajouta-t-il en s'adressant à Miss Mirvan, « de savoir quelle est l'idée que ces jeunes demoiselles ont de nos spectacles. Ces objets doivent être tout nouveaux pour elle. » Nous lui avouâmes toutes deux que nous nous étions mieux divertis à l'opéra que partout ailleurs. Nous eussions mieux fait de nous taire, car le capitaine, mécontent de notre réponse, nous coupa aussitôt la parole. « Qu'allez-vous demander là à ces filles? Croyez-vous qu'elles sachent jamais ce qu'elles veulent? Nommez-leur tel amusement qu'il vous plaira, et vous êtes sûr qu'elles le trouveront supérieurement beau. C'est une espèce de perroquet qui ont un babil d'instinct et qui se répètent l'une l'autre. Mais parlez-leur de cuisine, d'affaires de ménage, et vous verrez comme elles seront embarrassées. Quant à ces opéras, je prétends absolument qu'ils doivent leur déplaire. Ce sont de pures sottises. Et vous surtout, Marion, je vous conseille, si vous faites quelque cas de mes bonnes grâces, de ne plus avoir un goût à vous en ma présence. Le monde est assez rempli de fous sans que vous en augmentiez le nombre, et je ne veux pas qu'il soit dit que ma fille approuve à ces sortes de fadaises. C'est une honte qu'on ne les abolisse pas, et si on me laissait faire, je casserais la tête à tous les magistrats qui s'aviseraient de les tolérer. Si vous avez envie de louer la comédie, passe encore car je l'aime aussi. » Cette réprimande nous ferma la bouche à toutes deux pour le reste de la soirée. Elle produisit même pendant quelques minutes un silence général. Il fut interrompu par M. Lovell, qui n'avait pas envie de laisser échapper l'occasion de riposter au sarcasme du capitaine. « Je ne suis pas surpris, monsieur, dit-il, de ce que nos amusements les moins recherchés soient précisément ceux qui vous plaisent le plus. Et parmi ceux-ci, c'est la comédie qui se retrouve le plus aisément en province. Chaque village a presque sa troupe de comédiens et une grange en forme de théâtre. La représentation des pièces est encore partout la même. L'homme de rang y prend part aussi bien que la populace. On est rassemblés pêle-mêle dans un même cercle. Il n'y a pas d'endroit où les distinctions soient moins marquées. » Le capitaine avait l'air de ruminer le sens de la réflexion de M. Lovell. Mais Mylord Orville, pour le distraire, changea de conversation et lui demanda ce qu'il pensait du cabinet de Cox. « Je pense, répondit-il, qu'il ne vaut pas la peine qu'on y pense. Je n'aime point toutes ces fadaises-là. Cela est bon pour des singes. Et encore en ferait-il peut-être la grimace. » Madame Mirvan demanda à Mylord ce qu'il pensait lui-même de cette collection. « J'en admire le mécanisme, qui est des plus ingénieux. C'est dommage seulement qu'on n'en ait pas tiré un meilleur parti. Mais le but de tous ces ouvrages est si frivole, si éloigné de toute instruction et de toute utilité, qu'on ne peut s'empêcher, en quittant ce cabinet, de regretter que tant de travail et d'adresse soient si mal employés. « Le fait est, répliqua le capitaine, que dans cette grande ville il n'existe pas un seul endroit public, excepté la comédie, où un homme, c'est-à-dire un homme qui mérite effectivement d'en porter le nom, n'est à rougir de mettre le nez. L'autre jour ils m'ont fait aller au Ridotto, mais je vous proteste qu'on ne m'y reverra pas de sitôt. J'aimerais autant commander un équipage de matelots français. » « Après cela, vous avez votre Ranelagh, dont vous faites tant de bruit. C'est bien encore l'endroit le plus ennuyant de la terre. Il est pire que tous les autres. » « Ranelagh, ennuyant, » répéta-t-on de bouche en bouche, et les dames, comme si elles s'étaient donné le mot, regardaient toutes le capitaine avec un sourire moqueur. « L'entrée, » reprit M. Lovell, « est à bon marché, mais cet endroit n'est pas fait pour le vulgaire. » À moins qu'on y apporte une certaine connaissance du grand monde, un goût sûr, des liaisons avec les gens du bon ton, on doit s'y ennuyer de toute nécessité. Ranelagh, s'écria le lord inconnu, est un endroit divin, un vrai paradis. Nous devrions y faire un tour encore ce soir. Mais sans doute, il n'est que 10 heures, ajouta M. Lovell en tirant une belle montre. Les dames furent bientôt d'accord. Comment, diable ? Interrompit le capitaine en appuyant les deux coudes sur la table. « Vous allez courir, Ranelagh, à cette heure-ci. »« Et pourquoi non ?» lui demanda l'inconnu. « J'espère que vous serez de la partie. »« Du moins, nous ne relâchons pas vos dames. »« Moi, que j'aille Ranelagh ? Je voudrais plutôt. » Le même lord me dit qu'il se flattait que j'irais. Je lui répondis que je ne le croyais pas. « Oh, vous ne serez pas aussi cruel. » Et en prenant ma main, il me débita toutes les belles paroles et toutes les douceurs qu'un païen peut dire à son idole. Je retirai ma main aussi vite que je pus, mais il la reprenait à chaque moment et j'en fus d'autant plus confuse que Mylord Orville m'observait d'un air fort sérieux. « N'avais-je pas raison, monsieur, d'être choqué de ce ton de familiarité ? Il n'appartenait point à ce lord, malgré son rang, de me traiter aussi cavalièrement. Sœur Clément me paraissait être mal à son aise. Pendant ce temps, tout le monde fit ses efforts pour engager le capitaine de nous accompagner à Ranelagh. Et le lord me dit que je lui déchirerais le cœur si je refusais d'y venir. Pendant cette conversation, M. Lovell s'approcha de moi, et en affectant un air de surprise, il me salua et me demanda des nouvelles de ma santé, en protestant, sur son honneur, qu'il ne m'avait pas vu plus tôt, sans quoi il n'aurait pas manqué de me rendre ses devoirs. Cette politesse était forcée, mais elle me fit plaisir puisqu'elle me prouva du moins qu'il avait changé de manière à mon égard. Le capitaine était toujours également éloigné de se rendre aux instances réitérées qu'on lui faisait de tous côtés. Il jura qu'il ne voulait plus entendre parler de cette partie. « Mais, lui dit l'inconnu, s'il plaît à ces dames d'y aller prendre le thé, vous nous confierez pourtant le soin de les ramener chez elles. C'est un honneur que chacun de nous ambitionnera. » Le capitaine y consentit d'assez mauvaise grâce, et après avoir ajouté plusieurs propos désobligeants pour les dames de la société, il lâcha encore quelques sarcasmes des plus déplacés contre la nation française et sortit brusquement. Les dames se retirèrent bientôt après la plupart des cavaliers de leur société. Le lord étranger, Sir Clément et Mylord Orville restèrent avec nous. Celui-ci fit plusieurs questions à Madame Mirvan sur notre départ, tandis que l'autre s'épuisait à me dire toutes sortes de jolies choses que j'écoutais avec beaucoup d'indifférence. Je ne pus cependant éviter de lui donner le bras en montant en voiture. Miss Mirvan accepta celui de Sir Clément, qui n'avait pas l'air content. Quelle différence de caractère et de mœurs dans tous les rangs de la société! Mylord Orville, d'une politesse qui ne se dément jamais, qui n'accepte personne, est un homme modeste et sans la moindre prétention. On dirait qu'il n'est pas accoutumé au grand monde, et il se doute à peine de tant de bonnes qualités qui le distinguent si supérieurement. Cet autre lord, au contraire, quoique prodigue en compliments et en belles paroles, me semble manquer entièrement d'une bonne éducation. Tout ce qui frappe son imagination occupe d'abord toute son attention. Il joint à beaucoup de hardiesse, de la hauteur avec les hommes et un air de libertinage avec les femmes. Fier de son rang, il s'exprime avec une familiarité qui approche de la grossièreté. Nous ne restâmes pas longtemps à Aranlag. De retour chez nous, nous eûmes à essuyer la mauvaise humeur du capitaine qui était fort mécontent de la soirée. Je comptais finir ici ma lettre, mais dans cet instant nous avons reçu, à ma grande surprise, la visite de Mylord Orville. Il venait, disait-il, pour nous rendre ses respects avant notre départ et pour s'informer de notre retour. Madame Mirvan lui dit que nous passions à la campagne et que vraisemblablement ce serait pour y fixer notre séjour. Cette réponse parut lui faire de la peine. Il nous témoigna ses regrets dans des termes si polis, si flatteurs, si sérieux, que j'en fus presque chagrine moi-même. Si je partais directement pour Berry Hill, je suis sûr que je ne sentirais que de la joie. Mais avec ce capitaine et avec Madame Duval, quel plaisir puis-je me promettre à Howard Grove ? Avant l'arrivée de Mylord Orville, Sir Clément s'était fait annoncer. Je l'ai trouvé plus sérieux que de coutume, et il a essayé plusieurs fois de me parler à l'oreille, m'assurant combien il souffrait de mon départ et combien j'emportais ses regrets. Mais j'étais mal disposé et ne lui répondis pas. En attendant, il s'est si bien insinué dans l'esprit du capitaine que celui-ci l'a prié de venir nous voir à Howard Grove. Cette invitation a éclairci sa physionomie et, dans le même moment, Mylord Orville s'est retiré. Sans doute, il a dû être choqué d'une distinction aussi impolie et aussi ridicule. Il était malhonnête d'inviter Sir Clément en présence de Mylord Orville sans faire à celui-ci la même politesse. J'en fus bien fâché, et j'ai quitté la chambre peu après lui. Sir Clément est encore resté, mais je ne descendrai pas avant qu'il soit parti. Mylord Orville s'est sans doute aperçu de l'assiduité avec laquelle Sir Clément tâche de me faire la cour, et en jugé par les civilités déplacées du capitaine, il doit supposer que ce soupirant est écouté favorablement. Cette idée me tourmente cruellement, et j'ai beau faire, elle me revient toujours. Adieu, mon très cher monsieur. Je vous supplie de m'écrire incessamment. Quelle quantité de longues lettres dans 15 jours de temps. Je n'en écrirai peut-être jamais autant. Elles vous auront furieusement ennuyé. Mais patience, je vous donnerai à présent du repos, car la suite de ma correspondance se bornera probablement à peu de choses. Pardonnez toutes les inepties que je vous ai racontées, toutes les fautes dont je vous ai fait l'aveu. Vous ne m'en aimerez pas moins, et vous souffrirez que je me signe également. Votre très obéissante et très affectionnée, Evelina.